Je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a débloqué. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Dans ludologie, on parle souvent de game design, et ça va un peu vous sembler une lapalissade, mais dans cette expression, il y a game et design. Si le jeu est un sujet qu'on aborde en long, en large et en travers, on s'est dit qu'aujourd'hui, ce serait pas mal de s'attarder sur la deuxième partie de l'expression game design, à savoir le design. Alors le design c'est quoi ? Ça a quelle place dans la conception de jeu, dans leur forme ? La forme peut-elle créer la fonction ? Et quel impact cela peut-il avoir dans votre choix de manette ? Une foule de questions que l'on va poser à notre invité du jour dans ce 22e numéro de Ludologie. Tout à fait Manuel, et aujourd'hui on reçoit Alexandre de Souza, j'espère que je n'écorche pas son nom, un designer, donc vous l'aurez sans doute deviné, mais un design un peu particulier qui n'est pas directement du design de jeu à proprement parler comme on a l'habitude, mais un designer produit, parce que c'est vrai que le jeu ce sont aussi des objets jouets, des objets avec lesquels on joue. Et peut-être avant de commencer les réflexions très poussées sur c'est quoi un jeu avec du design, etc. Peut-être, est-ce que tu peux nous rappeler peut-être ton travail et qu'est-ce que toi tu pratiques du design, quelle est ta définition du design ? Alors le design c'est quelque chose d'assez complexe à définir. Je pense que la définition la plus simple ce serait de dire que c'est un art appliqué. C'est-à-dire qu'en fait c'est de mettre en place des pensées, des réflexions, mais à les appliquer à un niveau industriel pour apporter des réponses qui vont être sociales, techniques. Voilà, c'est ça, c'est un art appliqué. Le principe est vraiment c'est du concret, on travaille avec beaucoup de métiers autour, sans avoir forcément une place centrale. On travaille avec le marketing, on travaille avec la fabrication, on travaille avec des chercheurs pour l'innovation. Donc le design est quelque chose de très complet et en même temps très flou de son application. Et on se retrouve du coup à travailler avec plein de gens. Et ce qui fait qu'en fait il existe énormément de designs différents. Donc moi je connais le design produit, je travaille un peu avec du design graphique, mais effectivement il y a les game designers, il y a l'architecture qui va commencer je pense à devenir du design aussi, parce que l'architecture met en place les circulations de l'humain. Et en fait le travail du designer c'est de mettre l'humain au centre de la réponse, qui va être une réponse graphique, une réponse produit ou une réponse architecturale. Vraiment, le design, c'est de mettre l'humain au centre de la réflexion et de la réponse. Du coup. Alors ça, c'est une approche, disons, assez théorique. Est-ce que tu aurais des exemples concrets ? Parce que je t'avoue que pour nous, c'est pas forcément évident à saisir, même en essayant de replacer dans le contexte de la conception de jeu ou du game design, par exemple, de replacer l'humain au centre de la réponse. C'est une jolie réponse, mais j'ai du mal à voir comment ça peut se concrétiser. Je sais que, par exemple, pendant la préparation du podcast, tu as plusieurs reprises fait la distinction entre la décoration et le design, par exemple. Alors, comment est-ce qu'on fait la différence ? Alors, la différence, effectivement, donc il y a ce que je considère que le stylisme industriel qui va vraiment partir de l'esthétique d'un produit, c'est ce qu'on voit principalement l'automobile. L'automobile, c'est du stylisme. On donne un look, un style, une personnalité tangible, mais on ne se pose pas la question on remet peu, en tout cas ça ne se sent pas, On ne remet pas en question l'utilisateur dans l'automobile. On ne remet pas les usagers, on ne remet pas les personnes autour en question. Alors que le design, quand il s'agit de design produit, ça va être non pas de créer un objet pour juste répondre à une question, ça va être pour rendre service à la personne qui va s'en servir, qu'elle s'en serve soit avec plaisir, qu'elle trouve du plaisir à faire quelque chose qui pourrait être rébarbatif, trouver une réponse peut-être émotionnelle. L'émotion fait partie aussi du design. Alors l'émotion fait partie du style et du design. Mais donc c'est en ça qu'effectivement le design et le stylisme industriel sont deux choses très confondues. L'exemple du nouveau lecteur Blu-ray design, alors qu'il n'apporte aucune fonctionnalité, c'est du stylisme, ce n'est pas du design. Le design va être d'apporter une fonctionnalité, par exemple. Donc dans ces cas-là, un lecteur Blu-ray qui serait sans fil, avec des connexions au téléphone mobile. Là, effectivement, il y a une réflexion de comment modifier, améliorer la vie des gens. Le design, ça permet d'améliorer la vie des gens, à mon sens. Alors, on va commencer à rentrer peu à peu dans le sujet. C'est intéressant, je vais rebondir sur l'idée de rendre service à l'utilisateur et parfois le conforter dans ses comportements. Le jeu parfois nous conforte dans nos comportements, mais bien surtout les interroger. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vis le jeu. Justement, toi, quelle est ton approche peut-être du dernier jeu auquel tu as joué, je ne sais pas c'est quoi, en matière de design? Est-ce que tu peux peut-être nous décrire ton expérience en tant que designer? Alors, mon expérience en tant que designer par rapport au jeu, alors je suis plus habitué aux jeux vidéo qu'aux jeux de plateau, même si j'en fais un petit peu de jeux de société. Et j'ai eu un gros coup de cœur, enfin j'ai un gros coup de cœur globalement sur tout ce qui raconte des histoires. Où finalement c'est plus un film interactif qu'un jeu. Je joue à Assassin's Creed où j'ai trouvé vraiment que le voyage était intéressant, la façon de revisiter des choses. Donc voilà, là-dessus je trouve ça intéressant. Après, sur les jeux de plateau et sur les jeux de société, je trouve ça, j'apprécie parce que on a une vraie interaction avec des gens, et en fait le jeu n'est à mes yeux qu'un prétexte pour interagir avec des gens qu'on connaît ou pas, qu'on va redécouvrir peut-être. Par exemple, un jeu de cartes type poker, il faut soit très bien connaître ses adversaires pour savoir s'ils vont bluffer ou pas. Donc il y a quelque chose où finalement le jeu n'est qu'un prétexte pour se poser des questions et pour se sur soi et sur les autres. Est-ce qu'on est capable de bluffer? Est-ce qu'on est capable de bien bluffer? Est-ce que l'autre va bluffer? Est-ce qu'on va être sympa avec l'autre parce qu'on l'apprécie et qu'on n'a pas forcément envie de le détruire dans un jeu? Cette espèce de stratégie sociale. Ma dernière partie de jeu de plateau s'appelait Zombie. Et du coup, il fallait s'en sortir. Une seule personne pouvait s'en sortir. Et finalement, ça a été une anarchie totale. Et finalement c'est le copain qui a sauvé sa copine en pensant la tuer, ce qui était assez magique. Donc finalement c'est ça, le design dans le jeu, je trouve que il est là pour créer des interactions. Tu parlais tout à l'heure de la fonction, enfin que le design commence à exister à partir du moment où on crée des fonctions. Et dans le jeu, je suis tenté de penser que c'est un peu la même approche, c'est-à-dire que le game design permet de gérer justement les interactions qui sont les fonctions du jeu. Toi, c'est quelque chose que tu regardes quand tu pratiques le jeu sous différentes formes, parce que on a parlé là des jeux dans les contenus, mais il y a aussi le contenant, la façon d'interagir avec le jeu. Là, pour le coup, on peut se poser la question des fonctions, des télécommandes, des objets avec lesquels on travaille. Effectivement, donc c'est dans ces cas-là, c'est vraiment la partie tangible du jeu. Et en tout cas, ce qu'on a pu voir, c'est une très forte évolution où on est parti d'une manette carrée avec un bouton, un stick, et on a vu que ça ne suffisait pas et qu'en fait on avait besoin de plus. Et il y a eu un espèce d'inverse, peut-être au moment de la Dreamcast, où il y a eu un espèce de trop, où finalement il y avait beaucoup de fonctions, beaucoup de possibilités avec le pad, et on s'est retrouvé à se dire c'est trop gros, ça se joue mal. Je pense que ça fait partie des raisons du flop de la console, qui avait un bon potentiel. Et finalement on se retrouve depuis quelques années avec un pad, en tout cas l'objet tangible, qui évolue peu. La manette Xbox est la même depuis la création quasiment. voilà, la manette PlayStation. Par contre, on a vu émerger via Nintendo des choses absolument dingues qui consistaient à la manette de Wii. Microsoft a enchaîné avec Kinect où on joue avec son corps entier. Et depuis 2007, on joue maintenant directement avec ses pouces n'importe où sur Terre, avec juste un téléphone. Et je pense que même cette façon de jouer, d'ici quelques années, elle évoluera. Peut-être qu'on jouera avec le jeu qui suivra notre regard. Peut-être qu'on aura juste à passer la main au-dessus du téléphone pour détecter un mouvement. Je sais que par exemple, Leap Motion est une technologie qui permet de contrôler son ordinateur en levant les doigts comme si on manipulait l'ordinateur, comme si on était magicien. C'est quelque chose d'assez incroyable à expérimenter et à voir. Donc les façons, on va dire, tangibles de jouer et d'interagir, elles sont parties d'un quelque chose d'assez simple qui consistait à appuyer sur un bouton. À aujourd'hui, on a la possibilité de jouer avec tout son corps, voire même dans un futur proche, ce qui est en train de se développer, où le futur des FPS se déroule sur un tapis roulant, où on peut courir en 360 degrés avec un casque de réalité augmentée et on tient un pseudo vrai fusil. Et du coup, là, on arrive à une immersion qui est d'une précision et d'une violence assez incroyable, puisqu'on peut porter un gilet qui va être chargé de nous donner des coups quand on se prend une balle. Et donc voilà, il y a des, au niveau tangible sur le design du jeu, il se passe des trucs assez dingues. Je vais reprendre ce mot objet tangible qui me semble être un peu au cœur du design. Tu me corrigeras si je me trompe. J'ai l'impression que effectivement, dans le design, il y a cette idée de rendre tangible une action, je sais pas, se déplacer ou des idées. Je sais pas, l'idée du repos par exemple pour une chaise reposante. Comment on rend justement tangible, palpable, un concept comme un peu flou comme le jeu? Tu parlais du Leap Motion. En tout cas, moi, j'ai l'impression que la mode tend vers la disparition des justement de ça pour s'immerger justement dans le jeu. Voilà, peut-être ton avis sur comment rendre tangible un concept. Alors effectivement, je suis d'accord avec toi que ça tend, en tout cas d'après ce qu'on voit, ça tend à disparaître. Après, actuellement, comment rendre tangible un concept? Moi, je suis designer produit, c'est-à-dire que quand on me pose une question, je vais répondre par un produit de base. Un scénographe répondrait peut-être à une même question par une mise en place spatiale, lumineuse, pour répondre par exemple comment piloter sa télé. Effectivement, moi je vais m'orienter vers tout ce qui va être tactile, sensoriel vraiment au sens du toucher, effectivement. Alors qu'un scénographe se dira peut-être que si je mets quelques rayons de lumière, eh bien en passant ma main dans telle ou telle lumière, ça fera telle ou telle action. Mais on revient finalement, on peut se joindre, puisque l'objet qui émet de la lumière, il faudra bien qu'il soit créé, dessiné, imaginé. La technologie, il faudra qu'elle soit mise en place de la même manière. Donc en fait, actuellement, je pense qu'on est en train peut-être de sortir du tactile dans le design produit. On a eu une explosion assez dingue effectivement avec la sortie des smartphones, où là, maintenant tout est devenu tactile, et on est en train peut-être de prendre du recul par rapport à ça. Et il est clair que d'ici quelques temps, le mouvement du poignet, le mouvement du doigt avec un anneau sera détecté et va faire telle action. Et après, au niveau des actions, justement, ce qui se passe aussi actuellement, c'est une espèce d'automatisation. Et en fait, on devient de plus en plus assisté par les objets qui nous entourent. Avant, on avait un thermostat, on réglait notre thermostat, il faisait 20 degrés. Aujourd'hui, le thermostat sait quand on est là, quand on n'est pas là. Et du coup, il sait quand on arrive, donc il va pouvoir baisser, moduler la température, et on n'a plus à s'occuper de ça. Et ça va être pareil avec, au fur et à mesure, dans la domotique, une espèce d'automatisation. Et dans ces cas-là, le design, il est peut-être amené à disparaître, puisqu'il va devenir invisible. Et ce qui va arriver à la place, c'est l'interface. Et dans ces cas-là, c'est un autre type de design, c'est un autre type de designer, c'est d'autres visions du monde et visions des choses. Donc le design d'objet, il est en réinvention constante, et sur l'histoire justement de la technologie et des sens, il y a quelque chose d'assez intéressant à réinventer dans les années à venir. Le design d'objet, c'est aussi, j'ai l'impression, beaucoup la question de la forme et de la fonction. C'est des choses autour desquelles on tourne depuis le début du podcast. L'idée que des fois c'est la forme qui va permettre de penser la fonction et pas nécessairement la fonction qui va produire une nouvelle forme. C'est des questions, alors j'imagine bien que dans le design textile, enfin, c'est des questions qui doivent se poser. C'est des questions que tu as l'occasion de te poser, y compris dans, bah, pour le coup, y compris dans une pratique de gamer, à regarder en disant, ok, parce que j'ai, par exemple, tel type de contrôleur, je vais penser à faire telle ou telle chose et je vais pouvoir imaginer qu'on puisse faire tel ou tel jeu, ou j'ai l'idée de ça m'amuserait. Est-ce que tu as une approche de penser d'abord le contrôleur qui va te permettre de reproduire ça? Moi, un des exemples que j'ai, parce qu'on parlait du tactile et des smartphones, il y a des fonctions encore assez peu exploitées sur les smartphones, mais qui génèrent des nouveaux gameplays. C'est par exemple l'accéléromètre qui permet de développer des jeux. Alors, je crois que j'ai déjà cité ici à quelques reprises, mais Bonden de Game Oven, qui est un jeu qui invite les joueurs à danser. Qui ne peut fonctionner que parce qu'il y a un accéléromètre. Donc là, effectivement, on peut provoquer des comportements de par la forme ou les fonctions spécifiques de l'objet avec lequel on interagit. C'est des choses sur lesquelles j'imagine tu es amené à travailler, à réfléchir. Alors oui, après en fait tu rajoutes une espèce de troisième élément qui est la technologie, et c'est quelque chose qui en fait la technologie est ça fait partie d'une bibliothèque de réponses à une question. En fait la technologie, c'est pas un designer qui va logiquement inventer une technologie, ça peut, mais au point où on en est dans la technologie aujourd'hui, il faut tellement de connaissances en aval que je pense que c'est assez difficile. Le designer, au pire, il pourrait se dire, ah tiens, dans 50 ans, peut-être qu'on fera telle manière, peut-être qu'avec un mouvement du bras, et il ira pas plus loin dans la recherche, il va lancer une idée. Donc il va par exemple, l'exemple de technologie avant-gardiste qui a été créé par un designer, mais dans ces cas-là c'est dans un film, c'est dans 2001 Odyssée de l'espace, ils ont déjà un simili d'iPad qui est posé sur une table où il lit son journal, et à l'époque c'était juste choquant, alors qu'aujourd'hui tout le monde fait ça, et donc voilà. Après la question de forme-fonction, c'est en fonction des sensibilités des designers. Il y en a qui vont privilégier travailler la forme, d'autres la fonction. Moi, je suis designer industriel, vraiment intégré dans une entreprise industrielle. La question que je me pose, c'est pas si je dois répondre à une fonction. Je vais répondre à la fonction. La question est comment le faire de la manière la plus efficace possible en termes de consommation de matière, en termes d'ergonomie, et comment faire pour que l'utilisateur ne se sente jamais bloqué par le produit qu'il va utiliser. Comment lui apporter une plus-value par rapport à des produits qu'on fait depuis longtemps, une entreprise à 30 ans. On a sorti une nouvelle gamme, en exemple, qui du coup est sortie il y a un an, et on a gagné presque 20 à 30% de poids sur tous les sacs, avec une résistance égale, en utilisant des nouveaux matériaux. Et en fait, le design est là, c'est-à-dire qu'on va, à partir d'une réponse qui paraît logique, qui est déjà là, eh bien, on va chercher des nouvelles façons de répondre, des nouvelles façons de toucher l'utilisateur, de changer peut-être un peu ses habitudes en modifiant quelques éléments. Et l'autre réponse, où là la fonction a créé la forme, c'est que de plus en plus on réfléchit à la vie du produit avant, pendant et après. Et maintenant, le fait de pouvoir démonter un objet pour pouvoir changer une pièce et que l'objet soit à nouveau utilisable, qui va à l'inverse de l'obsolescence programmée, je pense que c'est quelque chose que moi j'essaie de mettre en place et qui j'espère va revenir de manière vraiment industrielle pour qu'on aille vers une consommation plus intelligente et moins de masse, ce qui a été le cas pendant longtemps. Il y a une autre question qui qu'on a l'air en tout cas de cerner peu à peu, c'est tu veux peut-être que je fasse une pause, Manine? Donc oui, il y a une notion effectivement qui me paraît centrale dans le design, c'est la notion d'ergonomie. Moi en tout cas je donnerais la définition que le design se fait le prolongement du corps, c'est ce que j'ai tendance à dire. Et c'est vrai que par exemple quand je vois le je crois que c'est le Jungle Speed où il y a ce bâton qui semble fait pour qu'on se saisisse de ce bâton, qu'en est-il justement, parce que nous, là c'est un point de vue de joueur, mais qu'en est-il du point de vue de designer? Comment on crée cet instinct naturel de « Ah tiens, cette chose-là, elle se prend facilement en main, donc c'est qu'elle doit être faite pour ?» Alors ça c'est une excellente question, c'est surtout une grande problématique qui a été imagée par mon professeur quand j'étais étudiant, et qui va même encore plus loin. C'est pas juste donner à une forme l'envie de la prendre en main, c'est créer une forme pour que la fonction soit lisible à travers elle. Et l'exemple qu'il donnait, c'est il faut que vous créiez quelque chose qu'un papou puisse utiliser. Et en fait, là où c'est très intelligent, c'est que ça amène la notion de culture. C'est-à-dire que en Occident, on a certaines formes qui vont nous faire tout de suite penser à de l'appréhension, qui seront peut-être pas les mêmes qu'en Asie ou qu'en Afrique. Et donc la difficulté du designer là-dessus, ça va être de savoir à qui on s'adresse avant même de répondre, voilà, ça c'est la forme qu'il faut pour prendre en main, ça c'est la forme d'une bretelle pour porter un sac, ça c'est la forme d'un bouton. Et en fait, absolument pas. Il faut vraiment savoir à qui on s'adresse, puisque en fait, c'est la vraie question est là, quoi. Il faut répondre à la problématique de la personne, vraiment, et pas forcément d'un décideur. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Donc, en tout cas, dans le thème de l'industrie, clairement, il y a des décideurs et qui vont dire, bah, il faut faire comme ça. Et derrière, vous avez 10 000, 20 000, 30 000 utilisateurs qui vous disent, il faut faire comme ça. Et du coup, il faut réussir à répondre aux deux, parce que sinon, il y en a un des deux qui bloquera. Et donc voilà, mais le principe est là. C'est vraiment comprendre plus encore la forme du corps, elle est ce qu'elle est, mais elle n'est pas bloquante. C'est vraiment le geste qu'on va avoir autour. Il faut juste prendre, il faut induire comment prendre. Il faut motiver les gens à utiliser correctement, plus qu'à utiliser tout simplement. Et ça, c'est vraiment quelque chose de difficile. Je pense que ça se travaille tout au long d'une carrière. Et tous les designers ergonomes, je pense qu'ils sont beaucoup plus vieux que moi. Donc, je pense que ça s'apprend vraiment avec le temps. Ça m'envoie un épisode de Crost, l'émission de Karim Debbache, qui, parlant de Mario, en l'occurrence, évoquait la conception des premiers niveaux, le fait que les premiers adversaires déforment de champignons, ce qui incite à sauter dessus, le fait que les accès aux niveaux spéciaux soient des tuyaux, ce qui incite à descendre dedans, et que les deuxièmes adversaires soient des tortues, ce qui incite à sauter dessus, parce que bah, on a déjà eu les premiers adversaires, donc on sait que c'est à peu près le même modèle, mais qu'en plus, elle laisse une coquille dont on se dit nécessairement qu'on va pouvoir en faire quelque chose et logiquement la lancer parce que ça ressemble un petit peu à une boule de bowling. Alors c'est très très marqué dans un contexte social aussi, faut-il savoir ce que c'est que le bowling, mais en tout cas il y a vraiment cette idée pour le coup de design des objets dans le jeu lui-même, des objets virtuels pour que on puisse facilement les prendre en main. J'aurais un parallèle à faire aussi avec le fait que si les manettes de différentes consoles ont souvent une gâchette, c'est probablement pas entièrement étranger au fait qu'une bonne partie des jeux auxquels on peut être amené à jouer sont des jeux où on utilise des armes à feu. Quel regard t'as là-dessus, toi, quand tu joues? Est-ce que tu as eu comme ça des exemples? Est-ce que t'as des choses en tête de jeux auxquels t'as joué en disant « Ah oui, bah là, effectivement, on sent bien qu'ils ont choisi telle forme pour tel objet, au-delà d'une représentation graphique, mais telle forme pour tel objet, et que ça me dit tout de suite comment je vais pouvoir l'utiliser. » Enfin, ça génère un instinct d'usage, quoi. Clairement, après, le domaine du jeu vidéo, on part d'une feuille blanche. Quand le jeu est créé, enfin avant du coup quand il est créé, il n'y a rien. Et du coup, tout ce qui est mis, il y a très peu de chances que ce soit mis par hasard. Les premiers jeux, type, je pense, point and click, on mettait un peu en avant les objets qui allaient être utilisés par rapport au décor. Ils avaient une texture légèrement différente ou une surbrillance, ce qui est le cas de plus en plus d'ailleurs dans les jeux, ce qui paraît un peu infantilisant, puisqu'on sait qu'une clé, logiquement, on va la prendre et s'en servir, alors qu'elle va clignoter pendant 25 fois dans une pièce. Donc, dans le jeu, ce qui est du décor est du décor, et ce qui est utilisable, on va le voir logiquement très vite. C'est vraiment ça, on va voir une plateforme, on sait tout de suite qu'il va falloir appuyer dessus ou poser un objet, mais dans ces cas-là, en faisant un tour de pièce, on va se rendre compte qu'il va falloir attraper quelque chose, le glisser et le mettre sur cette plaque, parce que sinon la porte se referme quand on en part. Donc dans le jeu vidéo, en tout cas, la difficulté du designer, elle va être de bien séparer l'utile, du décoratif. Je pense que la vraie question est là, c'est que ça marche quand même plutôt très bien. Dans la plupart des jeux, on est rarement devant un meuble en se disant « je veux absolument attraper l'objet qui est là ». S'il n'a pas d'intérêt, on ne pourra pas le prendre et on va le voir tout de suite, on va se dire c'est un meuble qui est là pour décorer, alors que si jamais il y a une arme ou une clé ou un livre qu'on doit lire, on va tout de suite se dire tiens, ce meuble, il m'appelle à quelque chose, et du coup il n'aura pas le même look. Est-ce que c'est pas un facteur un peu limitant du coup? Je sais que dans le début des années 2000, il y avait quand même une volonté d'avoir des jeux avec, et puis même dès les années 90, des jeux avec de plus en plus d'éléments avec lesquels on puisse interagir, même si c'est pas des éléments nécessaires dans l'histoire, ce qui se résumait à des interactions assez pauvres, notamment quand on tournait autour du FPS qui constituait à casser ou lancer les objets principalement. Mais j'ai l'impression que c'est on essaye quand même d'avoir une complexité. Enfin, il y a un exemple pareil de jeu qu'on peut citer assez régulièrement dès qu'on veut théoriser, c'est Minecraft. Minecraft, pour le coup, n'est pas très transparent dans son design. Enfin, ce qui différencie un cube d'un autre, c'est la couleur. Mais savoir quel cube va s'assembler avec quel autre n'est pas du tout de la première évidence. Et comme tout le décor est fait de cubes, n'importe quel élément du décor est potentiellement un élément interactif. Clairement, après l'exemple de Minecraft, malheureusement je vais pas pouvoir trop en parler parce que j'essaie de ne pas y jouer, j'ai peur de tomber accro comme j'ai pu être accro au Lego quand j'étais jeune. Donc voilà, après effectivement il y a des interactions qui sont là juste pour le plaisir scénaristique du créateur et qui n'apporteront rien. Moi j'avoue que dans le principe d'interaction dans les jeux, j'ai vraiment grandi avec Resident Evil, et dans ces cas-là on se retrouve avec effectivement une espèce de surabondance d'objets par rapport à ce dont on a besoin pour pouvoir se traîner un inventaire limité et donc avoir une espèce de stratégie de développement et d'emport des objets. Est-ce qu'il faut emmener plus de balles que de clés ou l'inverse? Face à qui on va tomber? Donc là, dans ces cas-là, effectivement, c'est réfléchi, c'est intelligent. En tout cas, sur les premiers, c'était très bien fait, contrairement au dernier où on se retrouve avec plus de munitions que d'armes, mais à un point où c'est assez incroyable. Et du coup, il n'y a presque plus d'interaction ni d'énigmes, d'ailleurs, dans les derniers. Donc, peut-être que justement, le jeu un peu difficile, où il fallait gérer sa course et son développement, je sais pas, moi, je le sens peut-être un peu moins, et on voit quand même plus de blockbusters, jeux FPS, que de jeux réfléchis. Alors ouais, ça doit être dans les blockbusters, parce que moi j'ai passé quelques temps, genre aujourd'hui je fais du name dropping à fond, j'ai passé quelques temps toujours en jeu mobile, même si je crois qu'il a été porté sur ordinateur, à jouer à, hop là, et là du coup j'ai mon téléphone sous la main pour retrouver parce que j'ai un trou de mémoire sur le nom évidemment, à jouer à Out There, et Out There est vraiment purement dans ces problématiques là de je n'ai pas la place pour porter toutes les ressources dont j'ai besoin, je vais devoir faire des choix, et il y a des chances non négligeables que ces choix me conduisent à une issue fatale avec un jeu où on perd beaucoup beaucoup plus souvent qu'on ne gagne quand même, mais vraiment vraiment beaucoup plus souvent. Et j'ai l'impression qu'il y a encore toute une gamme de jeux, parce que il y a beaucoup de joueurs qui réclament de la difficulté, notamment, ou en tout cas une sensation de difficulté qui retrouve un peu ces modalités là. Donc voilà, je me permets de renvoyer sur cette idée de effectivement beaucoup de choix dans le matériel qu'on peut ramasser et un petit inventaire, ce qu'un ami créateur de jeux de rôle appellerait la stratégie du gros gâteau avec une toute petite assiette, qui est quelque chose qui est pas mal utilisé en jeu de rôle aussi, où on donne potentiellement plein de pouvoirs différents sur certains jeux, en tout cas des listes de talents incroyablement longues, et en laissant le joueur en choisir deux, voilà, et pas les autres. Et il y a encore de cette approche là dans plusieurs modalités de jeu. Adrien, tu voulais poser une question peut-être? Oui, alors pour finir de conclure sur la sensation de difficulté, je vous ramènerai sur le podcast qu'on avait fait avec Jérôme Larré sur le pourquoi on joue. On évoque toutes les stratégies de souffrance volontaire dans le jeu. Mais moi je voulais revenir sur un peu cette idée de vide que j'ai évoqué tout à l'heure et qui me semble de plus en plus présent dans le design, parce que par exemple quand on voit les smartphones où c'est très épuré, on est sur ce qu'on appelle le flat design, d'ailleurs je pense que ça peut être l'occasion aussi de rappeler qu'est-ce que le flat design. Et justement je me faisais la réflexion quand vous étiez en train de parler de la simplification de l'emotion, etc. Je pensais à Portal qu'on a évoqué hors micro, où là on a un design extrêmement sobre, très blanc, enfin en tout cas dans les phases, je vais pas trop spoiler, mais voilà, dans les premières phases en tout cas. Et justement, comment ne pas faire trop vite en design tout en étant plein de sens? Alors, je vais commencer par répondre sur l'interface du smartphone, parce que clairement, un smartphone en lui-même, c'est un rectangle avec un écran. Et en fait, comment ça s'est passé, l'émergence du smartphone jusqu'à ce que ça devienne un objet que tout le monde connaisse? Les premiers designs s'appelaient skeuomorphisme. En fait, c'est l'art de répliquer le réel pour qu'on comprenne à quoi ça sert. Le calendrier avait une forme de calendrier, l'application de notes c'était un petit calepin avec un crayon, le téléphone avait un dessin de téléphone, et on était sur quelque chose de très clair, très lisible, à partir du moment où on avait la culture des objets qui existent autour de nous depuis les années 60, 70, 80. Ce qui se passe, c'est que le smartphone a évolué, tout le monde en a eu un, on est arrivé à des personnes qui atteignaient leur deuxième, troisième, quatrième génération, et du coup, on pouvait simplifier ça, puisque les gens avaient déjà la lecture rapide de savoir que telle icône correspondait déjà à quelque chose qu'on savait déjà qu'on allait appuyer pour avoir une action et pour avoir une réaction. On savait déjà comment ça fonctionnait. Et partant de là, effectivement, il était presque obligatoire d'épurer les fonctions de base que maintenant tout le monde maîtrise pour pouvoir ajouter d'autres choses. Et je ne serais pas étonné que dans 3, 4, 5 ans, on imagine une nouvelle façon d'utiliser le smartphone avec une nouvelle interface. Il y a eu des essais au niveau des smartphones 3D, il y a eu des essais, je pense que bientôt on arrivera sur des espèces d'écrans holographiques. On n'imagine pas du tout ce que ça pourra donner, mais ça va se poser comme question, il est clair que ça va se poser. Donc effectivement, il y a une espèce de place nette qui est en train d'être faite, et à l'inverse, effectivement dans Portal on commence dans du vide. On commence dans des salles blanches, on n'a rien, on est extrêmement guidé, et du coup je trouve que... Là, on nous dit clairement, tu n'es rien, tu es un pion dans un jeu. C'est toi le pion, c'est pas toi qui joues, c'est nous qui jouons avec toi. Clairement, on est guidé comme un rat de laboratoire. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai senti sur tout le jeu, en fait. j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Ce jeu, m'a beaucoup marqué. J'ai trouvé ça vraiment exceptionnel, la façon dont on jouait avec nous. Et c'est ça que j'ai trouvé marrant, c'est qu'on joue avec nous et pas l'inverse. Nous, on essaie de se battre contre quelqu'un qui joue contre nous. Et ça c'est intéressant. Mais du coup, il est vide. Oui, certes, en termes de design, il est vide. Les murs sont blancs, les portes sont simples. Mais il est vide pour que nous, on le remplisse. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est à nous d'imaginer pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait là, comment, et comment on va s'en sortir, qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière la prochaine porte, comment on avance. Et je pense qu'en fait, c'est à nous de construire tout l'univers qu'on vit dans ce jeu. Si je résume, là tu expliques que le design de Portal est un peu le design de ce que j'appelle le tableau blanc. C'est faites ce que vous voulez dans le tableau, en tout cas nous on sait qu'il est carré et vous dépasserez pas les bords, c'est ça. Et comment ça se met en place aussi, parce que c'est parfois, je pense à des problématiques de jeu de rôle, c'est dur parfois d'imposer aux joueurs telle ou telle manière de jouer. Alors clairement, je pense que guider un joueur sans qu'il se sente sur un jeu où il a un train sur un rail, je pense que c'est assez difficile. Portal le fait extrêmement bien parce qu'on est sur un sacré rail et c'est assez dingue parce que c'est un vrai rail. Il n'y a aucune autre possibilité de finir le jeu, il n'y a aucune autre possibilité de passer. Il y a des façons de passer plus ou moins vite, mais il n'y a pas d'autre solution. Alors que des jeux en monde ouvert, eux, vont poser la question de « t'as un point A ?» T'as un point B, après tu te débrouilles plus ou moins pour arriver, tu vas faire ou pas les quêtes alternatives, tu vas, par exemple dans l'exemple de Fable, on peut choisir d'être un enfoiré fini et laisser crever tous les villageois, ou tenter d'aider tout le monde, la petite fille, voilà, se retrouver, et donc là dans ces cas-là c'est quand même très différent, et finalement sur Portal, voilà, on a plus de place à l'imaginaire, alors que dans Fable, ou dans GTA, ou dans des jeux vraiment où on est libre, on n'invente pas l'histoire, on la choisit et on la vit, mais c'est différent, on ne l'invente pas, c'est-à-dire qu'on... les éléments sont devant nous et on les vit sur le moment, alors que dans Portal, on ne sait absolument pas ce que la fille fait dans une espèce de cage en verre dès le début. On ne sait pas pourquoi elle est là, c'est rien n'est expliqué, on est lâché au milieu de rien, et vas-y Jeannot, débrouille-toi quoi. Et donc c'est deux façons de voir le jeu, deux façons très intéressantes, mais du coup très différentes. Et effectivement le principe du tableau blanc, il est clair, c'est Portal, c'est un tableau blanc quoi, sauf que on sait qu'on ne peut pas sortir et ça marche très bien, je trouve. Mais Portal, c'est aussi un FPS. Enfin, c'est un FPS, c'est pas très shooter, mais c'est un first person. Et pour le coup, les first person sont souvent des shooters. Et c'est probablement pas un hasard si c'est un jeu où on doit utiliser un pistolet, certes, un fusil, certes, d'un genre un peu particulier, mais ça reste comme un fusil. Là, on est à nouveau dans une approche design en disant ok, si je suis dans un FPS et que j'ai un truc à la main, ça veut dire que ça va me servir à tirer sur des choses. Clairement. Après, effectivement, le principe même d'arme, c'est déjà, je pense, une grosse question en termes de design, parce que il y a deux côtés d'une arme. Il y a une côté qui doit vous protéger, et il y a un côté qui doit menacer, qui doit tuer. Et du coup, on est sur un espèce de gros questionnement de où est la protection pour l'utilisateur, où est l'agressivité. Et sur Portal, c'est carrément clair. Quand on regarde l'espèce de fusil, le Portal Gun, côté utilisateur, on ne voit que des formes rondes, blanches, des lumières assez jolies, assez douces. On le regarde. Si on a en face de nous quelqu'un qui pointe un portal gun, on ne se dit pas il va créer un portail, on dit il va nous tuer. On a trois grosses branches noires autour d'un rayon lumineux qui lui est plus violent. Et tout de suite, on sent, on fait une espèce d'agressivité dans les pics, c'est une grosse violence dans l'arme d'un côté, avec de l'autre côté une espèce de rondeur, de douceur, un truc carrément maternel. Genre, c'est un œuf. D'un côté, on a un œuf, et de l'autre, on a une pieuvre mécanique absolument démentielle qui veut nous tuer. Alors que, du coup, pour ce jeu-là, pas du tout. Mais on comprend bien, on l'aurait en face de nous, l'objet tournerait sur une plateforme en lévitation, on saurait exactement tout de suite comment le prendre. On va mettre vers nous l'œuf. Là, on est dans le design produit, assez clairement, visiblement. En tout cas, il y a un signifiant dans la forme. Ah ben là, c'est évident. Je pense que c'est peut-être même un des meilleurs exemples de design produit qu'on puisse avoir dans un jeu. Parce que du coup, ils sont partis, ce qui est le cas de pas mal de jeux vidéo, mais ils sont partis de rien. Du coup, du fameux tableau blanc. Eux, ils pouvaient sortir des murs. Sur les murs, il n'y avait pas de problème. Mais je pense qu'ils se sont vraiment fait plaisir et qu'ils sont allés au maximum de... justement de cette ambivalence entre le menaçant et le rassurant. Je vais prendre encore un exemple tiré de Portal, mais ça parle en fait à tous les jeux, jeux de société, jeux de rôle, jeux vidéo. Au cours de l'aventure, je parle du 1 comme du 2, on est mené à manipuler avec un code couleur. Ces codes couleurs commencent à prendre du sens, on attribue tel effet à telle couleur, tout simplement on sait que les surfaces blanches sont les surfaces où on peut mettre des portails par lesquels on va passer. On a deux types de portails, on a un bleu, un orange. Et dans le 2, ça inscrit un système de liquide sur qui va avoir plusieurs propriétés, soit de nous faire courir vite, soit de nous faire rebondir, soit de pouvoir mettre des portails dessus. C'est assez bien amené sur quelle couleur va avoir quelle propriété et justement comment ça se crée, puisque là du coup il y a quand même une transmission de connaissances, en tout cas de pas de connaissances, plutôt de prérequis, ce sera comme ça et pas autrement. Comment ça se fait, comment on arrive à transcrire un message avec du design? Alors pour le coup, le jeu des codes couleurs dans Portal, effectivement, il est amené directement via une espèce de didacticiel. Le jeu est un espèce de didacticiel complet. On ne sait jamais quand on est dans le jeu ou quand on est dans le didacticiel. Donc finalement, on nous apporte des éléments au fur et à mesure. Au début, on va gérer qu'un portail bleu. Ensuite, on va nous faire comprendre qu'il interagit avec un portail orange. Ensuite, on va apporter un liquide vert et un liquide jaune et un liquide de... Non, je sais plus. Je crois qu'il y a un bleu, un jaune, enfin, voilà. Et du coup, chacun a des propriétés, mais ils sont dévoilés chacun leur tour. Ce qui fait qu'on nous dit, on te met ça à disposition, tu en fais ce que tu veux, mais de toute façon, si tu veux sortir de cet endroit, tu n'auras pas d'autre choix que de le comprendre pour t'en servir à bon escient. Et du coup, voilà. Voilà, le code couleur, il est là. Ça aurait pu être complètement d'autres couleurs, je pense que ça n'aurait pas eu d'effet. Après le choix est effectivement assez bien fait. On a les deux portails sont faits avec des lumières qui sont orange et bleu, qui fonctionnent très bien ensemble. Et l'autre du coup c'est des peintures, et dans ces cas-là on est sur des couleurs vraiment vives qui marchent bien, et ça fait vraiment peinture. Alors que les lumières il y a une orange chaleureuse et du coup le bleu qui est froid, il y a un contraste comme ça entre les deux. Et du coup on devrait se dire, et ça c'est peut-être un peu étonnant, on devrait se dire que c'est pas censé fonctionner ensemble. Là-dessus, il y a peut-être une je sais pas, je saurais pas, mais logiquement, c'est vrai que si on passe un côté orange et qu'on ressort d'un bleu, ce qui se passe, ça paraîtrait presque pas logique en fait. Mais s'il y aurait pas les deux couleurs, on s'en sortirait absolument pas et on saurait pas où on est. Donc c'est peut-être dangereux. Voilà. Moi, je vais faire un grand saut quantique jusqu'au jeu de société. Voilà, je suis passé par un portail bleu, un portail orange. En jeu de société, on en parlait un peu en préparation du podcast, tu nous parlais de la potentiellement faible présence du design. Alors Adrien a bien soulevé quelques faits ponctuels comme le totem de Jungle Speed qui est évidemment un objet où pour le coup la tout dans la forme est signifiant, que ce soit le fait qu'il tienne debout, qu'il puisse tomber quand on pose les mains dessus, mais qu'on doit quand même pouvoir poser les mains dessus, qu'il peut rouler. Mais tu nous disais qu'en jeu de société, souvent, la part de design des objets te semblait assez faible et qu'au contraire, c'était plutôt, que le travail se reportait plutôt sur de l'illustration, sur du graphisme. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu là-dessus ? Alors effectivement, le design produit, c'est quelque chose qui est très industriel, à vraiment une grande échelle. Le jeu de société, c'est quelque chose qui est, je pense, plus social. Je pense que les créateurs de jeux sont des gens qui sont passionnés au départ, qui ont envie d'explorer, qui se disent qu'il y a des centaines, des milliers d'univers à créer. Et du coup, voilà, ils vont imaginer peut-être une mécanique de jeu, je pense. Ils vont imaginer des typologies de personnages, des environnements. Et ils vont faire appel, je pense, à un graphiste, un illustrateur. D'ailleurs, plus un illustrateur qu'un graphiste. Pour mettre en scène, pour mettre en image l'univers qu'il a envie de créer et les sensations qu'il a envie de créer. Donc, d'un côté, il y a effectivement le créateur-inventeur et l'illustrateur qui va amener le rêve et vraiment la sensation de voyage. Et du coup, le design produit se retrouve peut-être un peu à l'écart de ça, du fait de sa volonté d'être peut-être trop tangible, trop sérieux. Je pense que ouais, le designer produit est peut-être un peu trop sérieux pour imaginer du jeu de société. Parce que le designer produit a une espèce de volonté de contrôler. Alors que peut-être que le créateur de jeu, à mon avis, il a plus une volonté que les joueurs s'approprient le jeu. Et du coup, on perd complètement le contrôle. Ce qui n'est pas le cas d'un designer, parce qu'un designer doit penser à tellement de choses en termes de sécurité de l'utilisateur, de confort de l'utilisateur. Et c'est des questions qui ne se posent pas dans le jeu de société, je pense. Moins, en tout cas. Un designer saurait dire, attention, la partie du Jungle Speed, c'est vachement bien, mais tu mets pas un pic en haut, quoi. En dehors de ça, les parts peut-être de designer vont être moins importantes, alors que le dessin du plateau, c'est très important. Le dessin des figurines avec lesquelles on va jouer, c'est très important. Et c'est un illustrateur qui saura créer vraiment des personnalités. Juste sur un pion de 2 cm, il saura créer quelque chose d'absolument incroyable et avec lequel on a tout de suite envie de jouer. Le designer aura peut-être moins envie de ça, quoi. Enfin, je sais pas, j'imagine. Mais pourtant, le créateur de jeu, c'est un game designer, donc il est un petit peu designer aussi dans l'âme. Il essaye un peu de si ce n'est de contraindre, en tout cas de conditionner les gens pour qu'ils fassent avec le jeu ce qu'il a prévu qu'il ferait et pas autre chose. Et que quand ils jouent au Monopoly, ils y jouent pas comme on jouerait aux échecs et réciproquement. Et puis, il y a un petit peu d'usage d'objets. Alors, c'est des cas un peu périphériques, mais je continue quand même sur ma grosse session name dropping de cet épisode. Philippe Despalières, un monsieur à qui on doit les loups-garous de Tiercelieu, pas le jeu de société le moins connu du monde, on en a fait quelques autres, il a fait notamment un jeu qui s'appelle Objet Trouvé, où pour le coup c'est une sorte de Pictionary, c'est-à-dire qu'on doit faire deviner des expressions, des mots, des formes aux autres joueurs, et pour ça on dispose d'objets. Alors les objets, c'est il y a des élastiques, il y a des boutons, il y a des objets assez épars, des objets qui pourraient être des objets trouvés, des bouts de bois, avec au fur et à mesure de la partie certains objets qui sont conservés, d'autres qui doivent être mis de côté. Mais en tout cas, on est vraiment dans une... Enfin, pour le coup, là, il y a effectivement un début de réflexion sur quels objets je vais mettre, quels objets je vais sélectionner, sachant que je veux que ça puisse être ce qu'on aurait dans le fond de la poche, mais qu'en même temps, dedans, il y ait suffisamment de formes et de fonctionnement différents, entre un élastique qui est souple, enfin voilà, des choses qui sont plus en longueur, des choses qui sont plutôt rondes, pour pouvoir représenter pas mal d'idées différentes. C'est des choses qui toi tu as des idées comme ça un peu d'objets qui enfin ou de jeux qui existent qui permettent d'aller chercher un peu comme ça des pratiques différentes? Non, pas trop, je vois que je t'ai perdu. Parce qu'il y a quelques éléments, il y a quelques jeux. Peut-être que c'est plus du côté des jouets qu'il y a un travail comme ça. Je sais que, en tout cas, si le designer doit se soucier de quelque chose quand il conçoit des jeux, c'est de la taille des éléments pour que des enfants de moins de 36 mois ne puissent pas les avaler. Mais du côté du jouet, par contre, parce qu'entre le jeu et le jouet, la distance est assez faible. Hein. On a parlé de Minecraft et des Lego. Là, on commence à se poser un petit peu des questions de design, j'imagine. Alors clairement, autant sur le jeu, je me rends pas compte de l'importance du designer et du design. Enfin, en fait, le concepteur de jeu, le game designer, effectivement, il va être designer. Et du coup, je veux dire, le designer industriel que je suis n'aurait que peu de choses à apporter. En dehors peut-être de nouvelles solutions techniques pour la fabrication des pions ou l'imaginaire du plateau. Par contre, effectivement, dans le jouet, là, c'est une question complètement différente, je pense, puisqu'on doit, en fait, on va apporter des briques. Mais c'est ça, on va apporter, c'est bête, hein, mais le Lego est le jouet le plus criant au monde. On apporte des briques à des enfants pour qu'ils construisent eux-mêmes leur univers. Un enfant, on lui donne une petite voiture, il va pas la déplacer sur le tapis. Il va imaginer que dedans, il y a un méchant qui s'est barré avec un trésor. Et en fait, on lui donne de quoi imaginer et de quoi créer un univers. Donc en fait, on lui apporte le jouet, finalement. Pour le designer, on peut penser que c'est une finalité, mais on sait très bien que quand ça va être utilisé, ça va être la base de tout. C'est un enfant qui va recevoir un jouet, il va être content pas d'avoir le jouet, mais de pouvoir en faire quelque chose de personnel. Et vraiment, qui n'appartiendra qu'à lui, ou qui partagera avec ses amis, et dans ces cas-là, voilà, ils vont se faire une session de jeu. Enfin, moi je me souviens quand j'étais enfant, on apportait nos Legos, on se débrouillait, et à partir de briques qui sont absolument anodines, ben, on créait des histoires complètement rocambolesques, avec des pirates de l'espace, et on y va. Et finalement, le jouet, il est là pour faire exploser l'imaginaire. Tu résumes tout à fait un point qu'on a évoqué un petit peu précédemment, c'est la capacité de projection en fait dans l'objet, quel qu'il soit jouet ou objet utilitaire. J'imagine que dans la, entre guillemets, la littérature des designers, on a répertorié, j'imagine, des conditions de cette projection. Et si, peut-être oui ou non, je ne sais pas, tu vas me le répondre. Et si oui, quelles sont ces règles de possibilité de projection? Je pense que c'est une question très compliquée, parce qu'en fait, le design, il est très débattu, il est très large, et il y a pas que les designers qui en parlent, il y a des sociologues, des psychologues, il y a vraiment des métiers qui sont autour de la société, clairement. Donc vraiment, la question est là, c'est vraiment comment aider la société, comment on imagine ça. On peut pas créer, clairement, en tant que designer, on peut pas créer sans la société pour laquelle on se destine. Concret pour un facteur ou concret pour un facteur ou un cadre sup, on n'imagine pas du tout la même chose. Une chaise de travail pour quelqu'un qui est dans les bureaux mais qui va être secrétaire va pas du tout être la même que celle du patron. Mais pas juste à cause du prix, pas juste à cause des matériaux. Dans la forme, le fauteuil du patron, faudra qu'il soit plus opulent parce que c'est lui le patron. C'est bête, c'est simple, mais c'est important. Donc vraiment, faut savoir à qui on s'adresse. Bon, on arrive sensiblement dans nos timings habituels de podcast et puis on a bien à nouveau défriché un nouvel horizon qu'on n'avait pas pratiqué jusqu'ici. Ça nous offre un panorama assez intéressant pour ce début premier tiers de deuxième saison. Et puis je crois qu'on a des numéros qui se préparent après qui vont être presque attenants au design parce qu'à un moment ou un autre, il y a de bonnes chances qu'on parle d'architecture dans cette histoire et ça devrait être pas mal non plus. En tout cas, Alexandre, on voudrait te remercier pour ton intervention. Alors avant de relâcher nos invités, on leur pose toujours quand même la même question parce que c'est bien beau de parler de jeu, mais à un moment il faut passer à la pratique, hein. C'est comme la cuisine, voilà. Et du coup, toi, à quoi tu joues en ce moment? Alors, plutôt du coup jeux vidéo, parce que je pratique seul, je joue presque même pas en réseau. Grand passionné d'automobile, donc des jeux de voiture, le volant, dans le salon. Et après tout ce qui est effectivement jeux d'histoire, donc les Assassin's Creed qu'il faut que je continue. Niveau jeux de société, c'est plus en fonction des rencontres que je vais faire, bêtement. Je ne décide, j'y connais rien, pas grand chose en jeu de société. Donc je me laisse au gré des rencontres. Je vais dans un endroit que vous connaissez déjà, qui est l'heure du jeu, où effectivement je vais me faire conseiller des jeux, soit par l'équipe, soit directement en allant jouer avec des gens que je ne connais pas, ce qui m'est déjà arrivé et qui est très sympa. Donc voilà, sur les jeux de société, c'est open bar. Il n'y a pas de limite. À partir du moment où on s'amuse, et de toute façon le thème du jeu c'est ça, c'est de prendre du plaisir. Que rajouter de plus ? Prendre du plaisir et découvrir des gens, des jeux peut-être. Et ben en tout cas, on vous souhaite une bonne fin de journée ou fin de soirée selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et à dans 2 semaines pour un nouveau podcast de Ludologie. Merci à tous.